À l'occasion du 63e anniversaire de la grande victoire du peuple coréen dans la guerre de libération de la patrie, le corps des attachés militaires en Corée a déposé le 27 juillet une couronne funéraire au cimetière des martyrs qui ont participé à la guerre de libération de la patrie avant de faire le tour du cimetière.